J'éclate bouteille pleine dans le crâne du quai d'Eb. Parle pas à bouche pleine, parle pas à tout court, hey. La route est longue, 0 à 100 à la seconde. Trop de refrains finis sans 11, on salit nos pères, pleurer nos mères. Seul en cellule sur le terrain, on est 11. Trois fées dans le clip, je les vois faire dans le slip. Pas de malade dans le vide, pas d'argent dans le vide. Regarde mes yeux, regarde mes cernes. On l'a fait nous-mêmes plat au dessert. Le sang est vert, mais comme un DZ. Crache dans la touche à la chaussette. Comme ça, c'est chose faite. Respecte mes consignes. Depuis que je suis la peuf, je grave ton style. J'rappe, j'débite. Tu crois que j'débute? Platine mixtape, toi tu suces des bites. J'suis à la rue de Marseille. J'fais des selfies, rien à changer. À part que dans le compte, c'est le feu. J'fais ce que j'veux. Baisse ta main. Amitié de plus de 20 ans dans le testament. J'ai du Renault, une taille de jackpot, taille de polia. C'est le ghetto haute, faut que tu râles son aime les payer. Boire du fer, je gamberge. Pour un verre, elle donne même son derge. Fils de pute, tu foya, tu fada, tu as fané fayer. Chant du Hanout, une taille de jackpot, taille de polia. C'est le ghetto haute, faut que tu râles son aime les payer. Boire du fer, je gamberge. Pour un verre, elle donne même son derge. Fils de pute, tu foya, tu fada, tu as fané fayer. L'ancien Susan Ken, pense au dernier coup. À faire rentrer de la pure dans l'espace Schengen. Mon calibre parle tchétchène, casquette à l'envers j'dégaine. La concu par le chung, on nique ta rhum de suite. On laisse pas faire le temps, frappe le sac de shit jusqu'à extraire le zip. Tirer un sac au feu, frérot démarre le zip. Faire confiance aux français, c'est faire confiance aux flics. Je crois que dans le sarcophage, il y a Sarkozy. L'aîné de la mif, j'assume, en fond de sixième j'reviens. Sur le féfé de vin. Sur PP j't'éteins, sur PP j't'éteins. Toujours plus haut ça vient d'en dessous, toujours plus loin tu me vois dans le flou. La concu est morte, je sens plus le pouls. Les jeux sont faits, je suis dans le jeu. Chant du Hanout, une taille de jackpot, taille de polia. C'est le ghetto out, faut que tu râles son aime les payeurs. Boire du fer, je gamberge. Pour un verre, elle donne même son derge. Fils de pute, tu foya, tu fada, tu as fané fayer.